Et c'est le Red Champagne. C'est une boisson unique, au goût unique. Et avec le beau temps qui arrive, il fait bon se désaltérer avec le Red Champagne, au goût qui nous ressemble. En ouvrant une bouteille de Red Champagne, vous sentez ce bon goût de pomme rouge. Au cours de l'été, ne vous privez pas du plaisir de déguster Red Champagne. Red Champagne, disponible partout. Philippe Simard et fils, distributeur de Red Champagne, salue le mois de l'arbre et de la forêt. Dernière chronique de l'année avec notre ami Phil Desgagnés. Passa rasgando na reta a Ayrton Senna, seis voltas completadas. Aí ele tenta fazer falar mais alto o seu motor Renault em relação ao motor Ford. É a parte de maior velocidade, eles vão atingir aos 330 km por hora. Senna bateu forte. Senna escapou e bateu muito forte. Ele vinha em primeiro. Ce que vous venez d'entendre, ça se passait le 1er mai 1994. Il y a des incidents dans la vie qu'on se rappelle pour où ce qu'on était lorsqu'on a appris cette nouvelle. La mort de Gilles Villeneuve le 11 septembre et cet incident-là le, du 1er mai 1994 où probablement le plus grand pilote de l'histoire de la Formule 1, Ayrton Senna, perdait la vie au Grand Prix d'Imola. On en parle avec Patrick Carpentier. Salut Pat! Salut, ça va bien? Ça va bien Pat? Tu t'en rappelles-tu ce que tu faisais quand t'as appris la nouvelle? Ben oui, écoute, Ayrton Senna, tout le monde s'en rappelle, évidemment. Hein, ce ouais. week-end-là, ça avait été un week-end noir. Il y avait Ron Berger qui avait perdu la vie aussi, là. Oui, exactement. Donc, on s'en rappelle surtout que c'était une de mes grands idoles. Oui. Pour Ayrton Senna, c'était probablement l'idole de plusieurs coureurs automobiles. Toi, tu me l'as mentionné hier quand je t'ai appelé pour te demander l'entrevue. Il dit, j'ai plusieurs anecdotes. C'est quoi, quand tu parles d'Ayrton Senna, tu penses à quoi? Ben écoute, pour moi, Ayrton Senna, c'est le signe de la perfection, pratiquement. Écoute, un tour de qualif qu'il avait fait à Monaco qui a été reconnu. Écoute, j'écoute encore ses vidéos des fois avec un de mes amis. L'autre fois, on écoutait ça, les vidéos de ses qualifications. Il y en a quelques-uns sur à l'époque où les moteurs chantaient. Ouais. Ça faisait du bruit révolutionnaire à pas loin de 18 minutes. Mais sauf que Ayrton Senna, pour moi, c'était... Ça l'incarne, je te dirais, la perfection. C'était le pilote le plus intense, le plus, selon moi, un des pilotes, sinon le pilote le plus rapide avec Schumacher aussi à l'époque. Puis c'était à l'époque des voitures les plus rapides aussi. OK. On dit que le roi de Monaco, on l'appelle le roi de Monaco. Puis c'est à Monaco, justement, qu'on sépare les hommes des enfants. Moi, j'ai déjà entendu dire que Monaco, c'est comme courir dans le salon chez vous, chez nous. Oui, c'est là qu'on voit quelque part que lui, il s'est fait. C'était vraiment avec Tolman, qui s'est vrai, en 84, où ce qui s'est fait remarquer le plus. Hein. Oui, exactement. Écoute, c'était sous la pluie, je pense, avec ouais. Tolman, cette épreuve-là. Ça démontrait le double. Son talent, là, tu sais, sous la pluie, il était fascinant. Puis à Monaco, ben, c'est un circuit hyper technique, hyper difficile. Puis qui est allé chercher des victoires. Je me rappelle l'une des épreuves, il y avait tellement d'avance pour me rassurer. Puis je sais pas si tu t'en rappelles, il y avait eu une petite faille dans la concentration, puis il avait échappé. Puis il avait endommagé la voiture. Écoute, ça en était voulu. Après ça, des semaines ou des mois par la suite. Mais écoute, pour moi, c'est quand même c'est drôle parce que une fois, quand il était venu au Grand Prix du Canada, moi je commençais, j'étais en Formule Atlantique à ce moment-là. Puis j'avais été déjeuner dans un restaurant, un petit restaurant sur le boulevard René Lévesque. Ouais. Pas vraiment connu, personne n'allait là. Puis j'avais mangé à côté de lui. Il déjeunait sur la table. Moi, il déjeunait à la table assis. J'étais assis côte à côte, un à côté de l'autre. J'y avais pas parlé. Évidemment, j'étais trop gêné. Puis je voulais pas le déranger de toute façon, mais ça m'avait toujours marqué. OK. Pat, ben ouais, c'est sûr. Pat, aussi, on dit qu'un bon pilote, c'est sous la pluie. C'est là qu'on. Et Ayrton Senna, c'était vraiment. Un des meilleurs sous la pluie. Sinon, le meilleur de l'histoire de la Formule 1. Là. Oui, exactement. Ben moi, écoute, j'ai eu deux pilotes que j'ai vraiment qui m'ont marqué, là, je dirais, de mon époque. Mais il y en a trois, en fait. Il y a Schumacher qui a été fascinant aussi, mais je te dirais Gilles Villeneuve, qui était coureur de motoneige aussi. Qui était un talent exceptionnel sous la pluie, puis il y avait Ayrton Senna. Pour moi, ça, c'était deux des très, très grands pilotes. T'es capable de faire des miracles où les autres pouvaient pas. Puis dans la pluie, Senna, c'était... Puis Senna, c'était lui qui avait... Il avait vraiment démontré la ligne de course extérieure ou complètement différente sous la pluie, qui était plus rapide, puis beaucoup de techniques, beaucoup de façons de faire. Puis moi, j'étais suivi par les médecins à l'époque d'Anne Marisi, Jacques Dallaire. C'était Human Performance International à Montréal. Puis maintenant, c'est Performance Prime là, avec Jacques Dallaire. Puis eux suivaient Ayrton Senna. Ils avaient suivi beaucoup de bons pilotes de F1, de Indy, et ainsi de suite. Puis la filière vieilleuse passait par ces médecins-là. Puis il m'avait dit que dans les tests qu'il avait fait, c'était hallucinant le talent puis la vitesse mentale d'un gars comme puis le niveau de concentration d'un gars comme Ayrton Senna, même avec les tests dans lesquels des centaines des milliers d'athlètes avaient passé, il était au-dessus de la moyenne de loin. Dis-moi. Sa rivalité avec Alain Prost, c'est une des plus grandes rivalités de l'histoire de la Formule 1. Certainement, il y a eu des rivalités Villeneuve-Schumacher. Ensuite de ça, Arnoux Villeneuve, Gilles Villeneuve, ça en était une grosse aussi. Mais c'est d'accord. Hamilton, ça a été avec Vettel également, ça a été une bonne également aussi, mais il n'y a rien qui a été à côté de celle entre Prost et Senna. Non, ça a été une rivalité poussée au niveau du marketing, ça a été une rivalité poussée vraiment à son extrême. Moi, je pense que ça a été une des plus grandes de la Formule 1 de loin de ce côté-là. Puis écoute, moi, je considère Alain Prost comme aussi un hyper grand pilote, un style différent. Différent, c'est un calculateur, lui. L'autre, c'était plus... Oui, c'était on l'appelait le professeur à l'époque, Alain Prost, puis écoute, on se le cachera pas, tu sais, il faut être honnête, si Ayrton Senna bénéficiait d'un support incontournable de la part de Honda aussi, tu sais, à cette époque-là, ce qui l'aidait beaucoup dans cette... Une rivalité-là, à un certain moment donné, Senna était hyper populaire au Japon. C'est un pilote qui était très important pour Honda. Puis Prost, il fallait qu'il se batte un peu envers et contre tous de ce côté-là. Puis je me rappelle, il avait changé, il était allé chez Ferrari, je pense, par la suite, à cause de tout ça. Mais écoute, ça avait tellement été une bonne rivalité. Jean-Marie Balestre, qui était à la tête... FIA qui lui préférait Alain Prost, t'avais plus de difficultés à Senna. Tu sais, c'était vraiment le milieu complet de la F1 était mêlé à cette rivalité-là. Ouais. Hey, il y avait ce week-end-là, il y avait Senna, il y avait Rollenberger qui avait perdu la vie. Barrichello également avait eu un accident très grave, puis ça a pas coûté sa vie, mais il avait été blessé. C'est par la suite qu'il y a eu d'importants changements au niveau de la sécurité. Hein? Oui, il y a eu... malheureusement, ces accidents-là, événements-là font vraiment évoluer la sécurité du côté du sport automobile, du côté de la F1 et tout. Fait que, évidemment, à la suite de ça, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. La sécurité a été améliorée. De plus en plus, on protégeait les pilotes, la tête des pilotes, la façon dont ils étaient assis dans l'habitacle aussi. L'habitacle les protégeait plus par la suite. OK. Pat, deux, trois petites nouvelles que je veux te faire commenter. Ça vient de sortir à l'instant même, je l'ai appris. Bertrand Godin en Formule 1600, saison complète, 17 courses. Écoute, 51, qu'est-ce qui peut motiver un gars de 51 ans à revenir, même si pour le fun, la Formule 1600, là, la Formule 1600, ça reste quand même, Bertrand, il fait plus ça pour avoir vraiment là, une carrière, c'est bien plus pour le plaisir. Qu'est-ce qui peut motiver un Bertrand Godin? Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que c'est C'est des gars qui ont soif de sport automobile. C'est des passionnés du sport automobile. Comme Didier, je travaille avec beaucoup s'ils pourraient courir jusqu'à 105 ans. Ouais. Jusque-là, Jacques Villeneuve, il retrouve. Bon, oui, c'est ça, exactement. T'sais, fait que c'est correct, j'ai rien contre ça. Ils peuvent exprimer leur passion, ils peuvent continuer à faire ce qu'ils aiment, puis tant qu'ils peuvent le faire, ben écoute, je les encourage à le faire. Ça va donner un défi aux jeunes qui s'en viennent, aux jeunes qui montent, aller se mesurer. Je veux pas avec Bertrand qui a beaucoup d'expérience. Là, c'est un peu comme Didier, fait que ça lui donne un peu une mesure aux jeunes. Patrick, un gros merci, au plaisir de se parler, puis bientôt, c'est le plus gros week-end de la F1 et de la course automobile s'en vient. Fait que je vais te rappeler ce moment-là. Ben oui, exactement, avec les nouveaux infrastructures, ça va être très beau, puis ça va être intéressant de voir la F1 Montréal avec Lance Stroll et sa nouvelle. Comment tu trouves, est-ce que tu suis la F1 à fond, est-ce que Lance Stroll c'est décevant jusqu'à maintenant? Comment tu trouves ça? Ben, écoute, on est toujours comparé à son côté, c'est sûr que c'est difficile un peu de ce côté-là, tu sais, je sais pas si ça va débloquer à un certain moment donné, mais en ce moment l'apprentissage est plus difficile. Mais regarde Ricardo, tu sais, dans une équipe top, c'est pas la même chose que quand t'es plus dans une équipe top, là, tu sais, fait que c'est selon la voiture que t'as, c'est ce qui donne les résultats que tu vas avoir, surtout en F1. Pat, un gros merci. On s'en reparle bientôt avec les 500 000 d'Indianapolis, puis le Grand Prix de Monaco, puis le Coca-Cola 600. Hey, merci. Collaborateur Patrick Carpentier.